Il savait que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, « L'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Maintenant, que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, « L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. » Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Et l'Éternel dit, « Je pardonne comme tu l'as demandé. Mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. » Amen. Alors, voilà ça. L'histoire qui est racontée dans Nombre 13-14, je trouve que ça mérite toute notre attention parce que ça reflète un problème de société qu'on vit actuellement partout sur la Terre. C'est pas juste un pays ou un autre, là, c'est tous les pays. Peu importe votre âge, peu importe comment sage vous pensez, sachez que personne ne se moque de Dieu. Puis, est-ce qu'on peut plaider à l'ignorance de son autorité dans n'importe quel domaine de notre vie, là? Est-ce qu'on peut dire, ah, je ne savais pas, ah, ça ne relève pas de Dieu, ah, ça, c'est mon choix, c'est moi qui décide. Je n'ai pas besoin de demander conseil à Dieu ou à ceux que Dieu a mis sur moi, en autorité sur moi. Non, vous ne pourrez pas plaider l'ignorance. Pourquoi? Parce qu'on a la parole de Dieu, on connaît sa volonté, puis particulièrement au travers de l'histoire qu'on va regarder. C'est clair, Dieu déclare des choses. Donc, chacun ce matin, réfléchissons à notre attitude envers l'autorité. Envers les personnes d'autorité que Dieu a placées devant nous. On peut dire au Québec là, que depuis trois générations, là, les enfants sont laissés à eux-mêmes. Fait que trois générations, bon, ça rejoint pas mal de monde dans cette salle. Trois générations où est-ce que les enfants ont été laissés à eux-mêmes, privés de la sagesse de ceux qui les précèdent, même qu'aujourd'hui on dit hey, « laissez faire les gens qui vous précèdent, oubliez ça. » Vous avez en vous tout ce qu'il faut pour décider de votre destin. On leur enseigne carrément à contester les autorités puis à exiger ce que tu veux. C'est moi qui le sais. C'est toi qui sais qui tu es, ce que tu veux, puis c'est toi qui sais ce qui est bien pour toi. Romains 13. Ça vaut la peine d'aller lire Romains 13, chapitre 1. Parce que le texte qu'on regarde, là, c'est vraiment ça qui est contesté. Là. Romains 13. Pensez à Moïse, qui est le messager de Dieu. Moïse ne fait que répéter ce que Dieu lui dit de dire. C'est tout ce qu'il fait. Il ne donne pas d'ordre. Il fait juste répéter ce que Dieu lui dit de dire. Romains chapitre 13, verset 1. On va lire 1 et 2. Que tout le monde est là? Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. J'ai arrêté au verset 21. En fait, Christian avait dit jusqu'au verset 10, mais là, négociation, les trois anciens, on s'est rendu à 21. Pourquoi? Parce que jusqu'à 21, on voit comment le peuple est, puis on voit Moïse qui intercède. Mais après 21, on va voir ça la semaine prochaine, la conséquence. OK? On vit dans un monde qui a abandonné Dieu, puis qui est laissé à lui-même, puis qui ne sait pas du tout ce qui s'en va. Mais dans nos vies, à nous, individuellement, nous qui sommes des enfants de Dieu, dans nos vies personnelles, dans nos maisons, dans l'Église, là où la crainte de Dieu se doit d'être enseignée, est-ce qu'on se soumet aux autorités de Dieu qu'il a placées dans nos vies? Puis là, je pense à les parents, les enseignants, les employeurs, les représentants du gouvernement. Est-ce qu'on est soumis ou est-ce qu'on est tout le temps en train de contester? Ça parle même à Raphaël. Ah, Mathéo, Mathéo, tu devrais écouter. 1 Corinthiens 10. Ça vaut la peine de le lire. Parce qu'on est dans le Nouveau Testament, fait que le texte qu'on va regarder nous concerne. 1 Corinthiens 10, verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée, dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenons pas idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, « Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. » Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. On va voir qu'il y a une différence dans le texte qu'on a lu là, entre ceux qui ont amené le murmure puis les autres. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, celui qui se croit debout prenne garde de tomber. On n'est même pas dans le texte encore. C'est juste pour dire, le texte qu'on regarde, c'est à ça qu'il nous amène. Dans Romains 13, 14, parce que c'est la même histoire, là, on voit trois aspects du processus de sanctification que Dieu va faire avec le peuple d'Israël, puis que Dieu fait dans nos vies. Qu'on le réalise ou pas, Dieu le fait. Il n'y a rien qui passe inaperçu, il n'y a rien qui n'a pas vu. Il nous montre comment Dieu produit la sanctification dans la vie d'une personne, d'une maison, puis même d'un peuple. Il y a trois aspects là, que je veux. Les trois aspects, c'est le péché est révélé. C'est la première affaire qui va arriver. C'est que le péché est révélé. La deuxième, c'est que l'autorité humaine est dépendante de l'autorité divine. Fait que Dieu a appointé des personnes pour différentes choses. Et chacune des personnes qui est appointée va rendre des comptes à Dieu de ce qu'elle fait. Mais ceux qui sont sous son autorité vont aussi rendre des comptes de comment ils ont agi sous l'autorité qui était mise sur eux. Et le troisième point, ou le troisième aspect, c'est la correction de Dieu que Dieu va apporter est salvatrice. Mais celle-là, on va la regarder la semaine prochaine. Aujourd'hui, on va faire les deux premiers. Le péché est révélé, puis l'autorité humaine est dépendante de l'autorité divine. Si on y va avec celle-là, je vais juste aller dans mettre un petit peu de contexte. Alors, on a fait le nombre 13, 1 à 24 avec Michel. C'est que Dieu, et là, on a parlé de ça la semaine passée aussi. Dieu donne l'ordre d'y aller. La façon dont il va donner l'ordre d'y aller, c'est qu'il va le peuple va avoir peur. Puis Dieu, en fait, c'est intéressant parce que c'est la compassion de Dieu en même temps. Le peuple, il a peur. Okay? Ils ont peur. Fait que Dieu leur permet d'exprimer leur crainte. Puis là, Moïse écoute la crainte. Puis là, Moïse va faire quoi? Ils vont envoyer les explorateurs, comme je l'ai dit, dans mon univers à moi. Quand tu explores pour faire la guerre, tu es un espion. Puis, et le mot espion est utilisé plus loin. Fait que, il envoie les personnes pour aller explorer le pays, pour aller valider que c'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. Puis quand ils reviennent, ben, ils déclarent, ben oui, c'est effectivement un pays où coule le lait et le miel. Le reste, là, c'est le problème de Dieu. Okay? Et là, les demandes du peuple sont faites. Et là, il y a un plan qui est donné, ils vont faire selon le plan. Puis il y a un objectif hein, qui est donné, celui-là de rassurer. puis en même temps confirmer comment ils vont faire leur entrée. Alors, et là, il y a la mission elle-même. Quand, la semaine passée, il y a le rapport de la mission, et ça, c'est Gilles qui nous a parlé de ça. Les faits sont rapportés tels qu'ils sont vus. La première affaire, c'est que dans 26 jusqu'à la fin, là, les faits sont rapportés tels qu'ils sont. Hein, ils ont vu ça. Ils sont tous d'accord, les 12. Ah, mais après ça, l'interprétation, ils ne sont plus d'accord. Là, c'est les sentiments humains qui embarquent. Il y en a deux qui sont carrément pour Dieu. Ben oui, ils ont vu la même affaire. Ben oui, écoute, c'est une grosse menace, là. Ils ne sont pas stupides, là. Les Anakim, c'est des géants. Ce n'est pas des petits géants, là. C'est des grands géants. C'est 9 pieds, là, genre. Oui, c'est à peu près ça. 9 pieds. Bon. Et là, il suscite, les 10 suscitent le reste du peuple à murmurer. Ça, c'est ce qu'on a vu. Au nombre 13-30, Caleb fait taire le peuple qui murmure. Murmure contre qui? OK, fait que Romains 13 dit c'est quoi? Il murmure contre qui? Non, Romains 13 dit il murmure contre Dieu. C'est Dieu qui a mis Moïse en place, c'est Dieu qui a dit à Moïse quoi faire. Moïse le fait. Moïse, il se présente devant Pharaon la première fois. Là. Écoute, ça ne tente pas vraiment. Fait que c'est Aaron qui parle à sa place. C'est Aaron qui a le bâton. Les premières plaies, là, c'est Aaron qui parle, puis c'est Aaron qui a le bâton. Pas à partir de la troisième. Moïse prend de l'assurance, puis après ça, il n'y a plus besoin d'Aaron pour parler à sa place. C'est bon? Mais les hommes qui étaient allés avec lui, hein, avec Caleb, dirent, on ne comptera pas Josué là-dedans, dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple parce qu'il est plus fort que nous. Là, ils viennent d'enlever l'autorité à Dieu, pas à Moïse. On ne peut pas y aller. Et là, il décrit devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Dieu a dit qu'il leur donnerait. Ça va tout le monde? Pourquoi ça ne marche pas? Parce que c'est des idolâtres. C'est des idolâtres qui ont quitté l'Égypte malgré eux. Ils n'étaient pas heureux en Égypte, mais ils étaient habitués en Égypte. Puis à cause de Moïse, messager de Dieu, ils ont été expulsés par ordre de Pharaon, qui en avait assez des plaies qu'il y avait, particulièrement la dernière plaie où il a perdu son fils, le futur Pharaon. Face à l'inconnu, ils sont dans la peur. Ils partent, ils sont chassés. Ça ne lui tente pas. Ils s'en vont, ils arrivent à la mer. Qu'est-ce qui arrive? L'armée égyptienne est en arrière. Ils ont peur. Dieu, il les fait traverser. Hein? Dès qu'ils ont traversé, l'armée en arrière est écrasée. Non, ça ne marche pas toujours pas. OK? Leur Dieu, à eux aussi, apparemment, dans leur tête, font des choses semblables, ont répondu à leurs prières. Fait que le Dieu qui les amène, ils ne le connaissent pas. C'est le Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, il y a 400 ans. Vous étiez-vous là, vous autres, quand Christophe Colomb a débarqué, quand Jacques Cartier, Samuel de Champlain, vous, qu'est-ce qu'ils vivaient, vous autres? Vous rappelez-vous? Comment est-ce qu'ils mangeaient? Comment c'était? C'était-tu facile? Vous n'en rappelez pas? Hey, les jeunes d'aujourd'hui, là, ils s'imaginent que tout ce qu'ils ont, là, les autos, les routes, les systèmes, là, c'est tout apparu la semaine passée, ça. Moi, quand j'étais jeune, là, pour venir de Thetford Mines à Montréal, c'était des chemins de terre. Traverser le parc de Laurentides, quand j'étais jeune militaire, là, c'était un chemin à rencontre. Puis l'hiver, là, tu priais avant de partir. Tu ne savais pas si tu étais obligé d'arrêter si tu te rendais à l'étape. Aujourd'hui, là, tu as 2 voies à chaque bord. Montant Gaspésie, là, c'est une autoroute. Vous pouvez aller n'importe où, là, vous embarquez sur l'autoroute, 5 minutes, vous êtes là. Bon, la salade, les tomates, ça pousse d'un rack à l'épicerie, hein, c'est ça? Non, c'est le même aujourd'hui. On ne sait pas d'où on vient, on ne se rappelle pas. Puis eux autres, là, tout ce qu'ils se rappellent, c'est qu'ils étaient en Égypte il y a un an. Puis en Égypte, là, ils étaient malheureux. Mais c'est bizarre, ils étaient malheureux, mais ils géraient leur malheur. Là, ils sont malheureux, puis ils ne savent pas du tout où est-ce qu'ils s'en vont, qu'est-ce que ça va avoir de l'air. Écoute, ils étaient dans leur maison le soir, là, même si c'était un lit de paille. Ils dormaient dedans, mais là, ils n'ont plus ça. Là. Même s'ils mangeaient du maïs cru, ils n'ont plus ça. Là. Ils sont complètement insécures. Et là, ils reçoivent des ordres. On leur demande pas rien. Là. Ils reçoivent des ordres, ils s'encadrent, ils sont obligés de plier toutes sortes de demandes dont ils ne comprennent pas l'importance. Tu sais, les jeunes, là. Hein? Le parent, il dit, fais ceci, fais cela. Dieu, il y a une finalité. on ne prendra pas la finalité éternelle, hein, parce que c'est nous qui devrons l'avoir, là. C'est que la gloire de Dieu, on va être là pour louer la gloire de Dieu. Pas juste, oh, on va être débarrassé du péché, on va être dans un corps glorifié, hey, ça va être extraordinaire, ça va être paisible, on va voir Dieu. Oui, mais pour le glorifier, lui. Fait que quand on est dans le désert, là, Dieu a un but. La terre promise, là, c'est que quand ils vont arriver, c'est extraordinaire le pays qu'il leur donne, mais c'est pour sa gloire à lui, puis pour qu'ils soient heureux d'être sous sa protection. Et là, dans le désert, ils sont sous sa protection, mais ils ne veulent pas. Est-ce que vous me suivez? C'est là qu'ils sont. Et ils sont aux portes du pays dont Dieu avait dit à Moïse, « Je vais te le donner, le pays où coule le lait et le miel. » Mais ils sont pleins de doutes, puis ils veulent être rassurés. Ils agissent comme si la décision leur appartenait. Les enfants, ils agissent aujourd'hui comme si c'est eux qui décident. C'est eux qui savent. Bien, je suis désolé, là, mais j'ai dit trois générations. Hein? Fait qu'il y en a plusieurs ici dans la pièce qui sont de ces trois générations-là, qui même si vous dites « Oui, j'aime l'Éternel, oui, j'aime Dieu, il est présent dans ma vie, on se bat constamment. » Puis moi, je ne suis pas de les trois générations, là, je suis l'autre juste avant. Puis je me bats moi aussi constamment avec ce que je désire puis ce que Dieu veut. Alors, imaginez pour vos enfants, là, c'est terrible. Parce que tout ce qu'ils ont comme exemple, c'est ça. Puis les parents, bon, on leur dit qu'ils sont désuets. Les grands-parents, oubliez ça. Dinosaure égale grands-parents, grands-parents égale dinosaure. Leur connaissance du monde est complètement fausse. Oubliez ça. Regardez dans quel monde on vit, là, c'est à cause d'eux autres. Ils ont des doutes, ils veulent être rassurés. Ils agissent comme si Dieu les avait forcés à être là, mais dans le fond, il n'a pas le droit de le faire. Ils doutent de la bonté de Dieu. Puis, ils craignent que ce Dieu-là, comme les dieux d'Égypte, ne soit pas capable d'accomplir ses promesses. C'est vrai? Mettez-vous dans leur peau, là. Ils ne connaissent pas le Dieu qui les amène. Ils ont plein d'autres dieux. En fait, ils n'ont jamais abandonné. Un des reproches qu'on leur fait, c'est qu'ils n'ont jamais abandonné leurs autres dieux. Parce que nous, notre confiance est 100% dans Dieu ou on est encore attaché à un paquet d'affaires. Ils ne voient pas les bienfaits que Dieu leur accorde. Il y a 600 ans avant ce moment-là, Dieu dit à Abraham, « Gars, je vais faire de toi une grande nation, très nombreuse, puis je vais les amener dans ce pays-ci, là, puis ce pays-là, là, ça va être à toi, ça va être à ta descendance. » Mais avant, il faut qu'il aille en Égypte pendant 400 ans. C'est dit à Abraham, Abraham le dit à Isaac, Isaac le dit à Jacob, Jacob le dit à Joseph, Joseph le sait, parce que quand il va mourir, il dit, « Oubliez pas, quand vous allez sortir d'ici, d'amener mes os avec vous autres. » Ils ont les os de Joseph avec eux. Mais ils ne comprennent pas pourquoi. Est-ce que vous me suivez? Ils ont vu les displays, ils sont sortis avec plein de richesses, bien qu'ils ont été forcés à sortir. On leur a donné plein de richesses. Ils ont traversé la mer, ils ont fait toutes ces choses-là, mais ils ne voient pas la finalité. Alors, qu'est-ce qui arrive? Le péché est révélé. Toute l'assemblée élève la voix et pousse des cris, puis le peuple pleure pendant toute la nuit. Ils ont peur parce qu'ils n'ont pas confiance en Dieu. C'est quoi leur péché? Rebelle à Dieu. C'est pas plus compliqué que ça. Qu'ils le savent ou qu'ils ne le savent pas, ils sont rebelles à Dieu. Dieu s'est démontré dans ce peuple-là de toutes sortes de façons. Il prend soin d'eux autres. Maintenant, ils veulent avoir le contrôle. Ils veulent que ça se passe comme ils veulent. Pas vous autres, je sais, nous, on n'est pas comme ça. Là. Quand les circonstances ne vont pas là où je veux aller, comment je réagis? C'est la question qu'on doit se poser. Ils murmurent, tous les enfants d'Israël, pas d'exception, tous les enfants d'Israël, excusez-moi, sauf Moïse, Aaron, Josué, puis Caleb. Tout le reste se plaignent. Et toute l'assemblée parlait de les lapider. Toute l'assemblée dit que, et retenez ces paroles-là, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Il aurait préféré retourner en Égypte. Ou pire encore, il préfère mourir dans le désert que d'aller dans la terre promise. Ils ont tellement peur. On manque des belles occasions dans la vie parce qu'on ne croit pas que Dieu peut bénir. il se rebelle contre l'autorité de Dieu, contre l'autorité instituée de Dieu, puis il lui prête des mauvaises intentions. Bon, on a déjà vécu ça chacun de nous dans nos vies, là. Hein? On peut vivre ça dans nos vies personnelles, dans la vie de couple, dans la maison, les enfants, et puis on peut vivre ça dans l'Église. Puis c'est intéressant, ça retourne à « Dieu a-t-il vraiment dit? » Où est-ce qu'on a entendu ça la première fois? Dans le jardin. Bon. Mais dans le jardin, c'est le diable au travers du serpent hein, qui dit « Dieu a-t-il vraiment dit? » Puis là, Ève écoute l'argumentation du diable après. Ici, c'est le peuple qui dit « Dieu a-t-il vraiment dit? » Il n'y a pas besoin de le dire. Son témoignage dit « Dieu a-t-il vraiment dit? » Parce que là, on regarde, c'est pas vrai, là, ça ne se peut pas, c'est pas là qu'on va. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays? Ou, regardez ça, déclaration. Si on y va, c'est pas peut-être on va tomber. Regardez le texte au verset 3, Romains 14, 3. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays? Ou nous tomberons par l'épée, ou nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie. Okay? Déclaration. Dieu a menti. Fait qu'elle commence par dire, Dieu a-t-il vraiment dit? Puis là, Dieu a menti. Ça, c'est les 10 témoins là, qui disent que Dieu a menti. Puis le peuple les croit. Le peuple croit les 10 témoins. Et là, ils se disent un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Là, on vient de détrôner Moïse, donc on vient de détrôner Dieu. On se prend en main, on va se nommer quelqu'un qui pense comme nous autres, puis on va aller dans cette direction-là. C'est dans l'Église qu'il n'y a pas d'esprit de parti dans l'Église? Hein? Qu'il n'y a pas de division d'esprit de parti? Ça commence comment? Des murmures, un groupe de gens qui se rassemblent, on se nomme un nouveau chef, on part dans une nouvelle direction. Les enfants, ils font ça à la maison, ils font ça avec leurs amis. Et refuse d'entendre la raison. Josué et Caleb dit, « Ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture et n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. » Moïse qui a déclaré, « Tout le sacerdoce vise à glorifier Dieu. » Non, ils n'ont rien à faire. Ils sont pognés là-dedans. Ça ne le tente pas. Ils sont coincés. Ils sont obligés de faire des affaires. Ils le font. Il y en a qui le font de bon cœur. Ce n'est pas tout le peuple, mais c'est quand même le peuple au complet qui va. Quand il dit tout le peuple murmure, ça ne veut pas dire 100% des gens murmurent. Mais c'est assez nombreux pour dominer. Tu sais, quand Pilate demande aux ceux qui sont là, est-ce que je prends Barabbas ou je prends Jésus? Non, prends Barabbas, ça crie fort. Est-ce que tout le monde criait Barabbas, vraiment? Quand il dit « crucifie-le », tout le monde criait « crucifie-le », vraiment? Je ne pense pas, moi. Mais c'était assez fort pour qu'on dise le peuple, ceux qui sont là, de façon générale, la voix qui l'emporte. OK? Fait que là, Josué et Caleb, ne craignez pas, là. Regarde, Moïse, Dieu a déclaré à Moïse, nous, on croit que Dieu va faire ce qu'il a dit. La preuve, c'est regarder où est-ce qu'on est. Ça fait quand même un an et quelque chose qu'on est dans le désert, là. Puis on manque de rien. Il se passe à rien, manque de rien. On est protégé. Hein? Dieu nous a protégés depuis le départ. Et là, ça ne marche pas. Alors, Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage, verset 5, en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël et parmi ceux qui avaient exploré. C'est ça. Tout le monde, Moïse et Aaron tombèrent sur leur face et ensuite, Josué et fils de Nun, eux autres mêmes, déchirent leurs vêtements. Garde, ça ne marche pas. Et les exhortent à ne pas être rebelles à Dieu. S'il vous plaît, je comprends que vous avez peur. Vous exhorte, regarde, Dieu, là, il nous a promis quelque chose. Let's go, allons-y. Mais s'il vous plaît, ne soyez pas rebelles contre l'Éternel. Pourquoi qu'il dit ça, ne soyez pas rebelles contre l'Éternel? Oui, Philippe? Oui. Il a dit parce qu'ils sont rebelles. Ben oui. Mais c'est quoi la conséquence d'être rebelle contre Dieu? Ils ne savent pas ça va être quoi la conséquence. Mais Josué et Caleb ont cette crainte de Dieu qui fait que, hey boy, savez-vous contre qui vous vous rebellez, là? Est-ce que vous êtes conscients? Essayez de vous rappeler de tout ce que Dieu a fait, là. Ce Dieu-là, là, il a écrasé un pharaon Puis vous autres, vous allez vous rebeller contre lui, là. Réfléchissez, là. Soyez pas rebelles contre Dieu, là. Boy. Mais restez focussés. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays, nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Bien, clairement qu'il va être favorable. C'est lui qui les a amenés là, c'est pour ça qu'il les amène là. Ça ne dépend même pas d'eux autres, ils ne sont même pas capables. C'est Dieu qui va le faire. Mais ils savent ça, là. Mais là, là, non, ça ne marche plus. Qu'est-ce qu'il peut faire Moïse à partir de ce point-là? OK, le péché est révélé, contestation, rébellion, mettez le mot que vous voulez. Parce que dans le fond, quand un enfant conteste contre ses parents parce qu'il n'aime pas la décision qui est prise, c'est carrément de la rébellion. Il ne faut pas chercher plus loin que ça. Si vous voulez prier pour vos enfants, priez pour contre la rébellion. C'est la rébellion, la désobéissance pure et dure. Bon, tu peux le faire subtilement. Ah, il y en a qui sont très subtils, là. Dans ta face, là, ils n'ont pas désobéi, ils n'ont même pas contesté. Mais dans les faits, en arrière, qu'est-ce qu'ils font? Exactement le contraire de ce que tu as dit. Puis ils couvrent leurs traces, hein. Je pensais à un film de western, là, tu sais, quand tu effaces tes traces avec une branche. Là. Comme si Dieu ne l'avait pas vu, comme si les parents étaient imbéciles, ils ne sauraient pas. Ben voyons donc. Ça va finir. Tout ce qui est caché va sortir. Bon. C'est plate, là, parce que la famille Rousseau n'est pas là, là. Puis ça veut dire que puis Geneviève n'est pas là, elle est partie dans le sud. Puis la famille Rousseau, le clan Rousseau sont tous à un chalet pour la fin de semaine. Mais j'aimerais ça qu'ils entendent ça. Moi, j'aurais pris mes filles, là, j'aurais dit, « C'est-tu vrai, quand vous étiez jeunes, que les mauvais coups que vous avez faits finissent toujours par les savoir? » Absolument. Ça va sortir de votre bouche ou ça va sortir quelque part, mais on va le savoir. C'est vrai, hein, Alexandra? Et voilà, tu vois, d'accord avec moi. OK, alors, qu'est-ce que fait l'autorité? Comment tu veux corriger tout un peuple, tes quatre, là, puis ils sont des millions, couple de millions, comment tu vas corriger ça? Comment t'arrêtes ça? Complètement dépendant de Dieu. Hébreux 13, 17. Ça va à peine d'aller le voir. Hébreux 13, 17. Ça s'applique, hein? C'est tout ce qui est dans l'Ancien Testament est là pour nous servir d'exemple dans le Nouveau Testament. Bien, si je le prenais pour les enfants, je dirais, allez voir Éphésiens chapitre 6, verset 4. OK? Enfants, obéissez à vos parents, parce que ça, c'est, j'oublie le reste du verset, là, mais c'est gage d'une longue vie. OK? Mais ici, on va prendre dans l'Église, mais on peut l'appliquer à Éphésiens 6 avant, non, après, un petit peu plus loin, c'est, soyez soumis à vos patrons comme au Seigneur. Enfants, obéissez aux parents comme au Seigneur. C'est toujours selon le Seigneur. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. C'est exactement la même affaire, tout le temps. Okay? Ici, c'est dans le même concept. Là. Hébreux 13, 17. « Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous serait d'aucun avantage. » Il n'est pas en train de parler de menace ici. Il n'est pas en train de parler d'autorité terrestre. Il est en train de dire, « Gars, ils sont en train de faire quelque chose. Hein? » Ben, rendez pas leur vie misérable. Parce que si ça ne marche pas comme ça devrait marcher, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ben, ils doivent faire comme Moïse ici. Qu'est-ce que les parents doivent faire? Qu'est-ce qu'un enseignant croyant, un Geneviève à l'école secondaire, qu'est-ce qu'elle doit faire quand il y a de la rébellion dans sa classe? Quelle autorité elle a, là? En plus, ils n'ont pas d'autorité. Les profs ont zéro autorité. Ils ne peuvent même pas intervenir dans une chicane entre deux gars. Même pas le droit de leur toucher. S'ils touchent, là, c'est eux qui sont coupables. Il faut qu'ils trouvent une façon diplomatique, gentille, je ne sais pas, qui ne marchera jamais, parce qu'ils font ce qu'ils veulent. OK? Fait que là, comment on fait? Verset 10. On va retourner à nombre 14. Bon, échec, Benoît. Nombre 14. Verset 10. Ils sont en train de se plaindre, ils sont en train de contester. Moïse, Aaron, Josué, Caleb essayent de les raisonner. Okay, ils essayent de les raisonner. Toute l'assemblée, verset 10, toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente de l'assignation. Oh, oh! C'est comme quand papa ou maman rentrent dans la pièce. Ou quand c'est free for all, quelque part, puis là, il y a une personne d'autorité qui a du torque. Pas une personne d'autorité qui n'a pas d'autorité, là, mais une personne d'autorité qui a de l'autorité. Quand elle rentre dans la pièce, oups, on arrête de niaiser. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël, et l'Éternel dit à Moïse, l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Contre qui ils sont en train de murmurer, là? Alors Dieu vient. Jusqu'à quand ce peuple ne croirait-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Hey! Je le frapperai par la peste et je le détruirai. C'est ça que je vais faire. C'est ça qu'il a envie de faire pour le vrai? Non, mais moi, ça m'arrive des fois d'avoir envie d'arracher la tête à un des petits-enfants. Il y a plein de cadavres dans ma tête, vous savez pas ça? Non, j'essaie de les oublier. Mais la première réaction, là, c'est une de « Hey! » Je frapperai par la peste et je le détruirai. Mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Dieu parle à Moïse, là. Le peuple, là, il y a juste Moïse. Regarde, moi, tout a détruit ça, moi. On va recommencer Moïse. Moïse, il y a 81, 82, là. Es-tu sérieux? Non. Parce que Moïse prend ça comme ah, yes! Et Moïse, là, veux-tu vous dire? C'est l'homme le plus patient que la terre a connu. Bien, je le comprends. Si tu as un, deux enfants, ta patience est mise à l'épreuve des fois. Lui, il en a 2 millions. Quoi déprimé? Boy! De quoi déprimé, ouais. Alors, Moïse va intercéder. Premièrement, il a intercédé auprès du peuple. Non seulement, on l'a vu, là, il a intercédé auprès d'eux en leur disant, « Hey, comment? Dieu a promis. Hein? Josué et Caleb intercèdent auprès du peuple. Comment? Ça ne marche pas, là. Ça va aller mal. » Là, Dieu arrive. Ben là, c'est fini. Là. Le peuple, il est trouvé coupable. Dieu vient de le déclarer. Alors là, qu'est-ce que Moïse va faire? Moïse, il dit, « Ah, super! Oh, enfin, un fardeau! » Non. Qu'est-ce qui intéresse Moïse? Qu'est-ce qui doit nous intéresser? La gloire de l'Éternel. Fait que la réponse de Moïse n'a rien à faire avec lui-même, ni même avec le peuple. L'intervention de Moïse n'a rien à faire avec lui-même ou le peuple. A à faire carrément avec la gloire de Dieu. Comment? Tu peux pas faire ça, là? Hein? On va le lire. Les Égyptiens l'apprendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Tu viens d'écraser un peuple, l'Égypte. Ça fait un an qu'on est parti. Ils vont l'apprendre. Fait que ce que tu avais dit que tu ferais, hein? Ils l'apprendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui, le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Donc, la conséquence du bris d'autorité n'est pas sur le peuple. La conséquence reflète ou entache la gloire de Dieu. C'est ça que ça fait. Ça blasphème le nom de Dieu. Alors, tu ne peux pas les faire mourir. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le désert, dans le pays, c'est-à-dire qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il a égorgé dans le désert. Maintenant, et là, il intercède. Bien, fais pas ça. Hein? Qu'est-ce qui va arriver si tu fais ça? Maintenant, verset 17, que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, « L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion. » Montre ta miséricorde, hein? Mais, retenez ce « mais »-là. « Mais il ne tient point le coupable pour innocent. » Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Qu'est-ce que vous sentez dans cette prière-là, dans cette intervention-là? Ne fais pas ça, ne les détruis pas maintenant, parce que si tu les détruis, ça va entacher ta gloire. OK? Alors, montre ta puissance, montre ta grandeur. Comment? En montrant que tu es lent à la colère, tu es riche en bonté, que tu pardonnes le péché et la rébellion. Mais en même temps que tu ne tiens point le coupable pour innocent, que tu punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième, quatrième génération, c'est le nom de Dieu. Tu ne peux pas les détruire, mais tu ne peux pas rien faire. Il faut qu'il se passe quelque chose. Mais il ne dit pas à Dieu quoi faire. Mais ce qui est intéressant, on va voir ça la semaine prochaine, c'est que le peuple lui-même a dit à Dieu quoi faire. Le peuple lui-même a dit à Dieu quoi faire. Fait que c'est intéressant des fois, quand on veut redresser dans une situation particulière, l'éducation des enfants ou au travail, je suis le patron de quelqu'un, d'un groupe de gens ou je suis dans une organisation où il y a quelque chose qui ne va pas, tu as juste à écouter les murmures. Tu as juste à écouter les murmures puis tu sais quoi faire pour corriger le problème. C'est vrai, hein? Tu sais quoi faire. Dans les murmures, ils sont en train de te dire la conséquence qu'ils craignent. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Et là, on est dans l'intercession. C'est la seule chose que Moïse a, l'intercession. Et l'Éternel dit, verset 20, je suis supposé arrêter à 20, mais il faut lire 21, parce que 21, c'est l'introduction de la semaine prochaine. L'Éternel dit, « Je pardonne comme tu l'as demandé. » Et le « comme tu l'as demandé » est important dans ce qu'on vient de dire. « Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu pardonnais ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. » Savez-vous ce qui est arrivé quand ça s'est mis à murmurer un moment donné dans le camp, je ne me souviens pas pourquoi. Puis là, il y a l'extrémité du camp qui s'est mis à brûler. Ou une autre affaire. Ouais, ils vont tout être ensevelis, etc. Fait que Dieu intervient là où ça cause un problème. Vous êtes d'accord avec ça? Fait que il dit, je pardonne comme tu l'as demandé, mais... Dis dans la prière, je retourne dans la prière, verset 18. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion. Dieu dit, je pardonne comme tu l'as demandé. Je retourne à 18. Mais il ne tient point le coupable pour innocent et punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième, quatrième génération. Et là, il dit, mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Il y a quelque chose qui s'en vient. Oui, je te pardonne comme tu l'as demandé. Mais il y a quelque chose qui s'en vient. Alors, l'intercession, c'est la seule arme qu'on a contre la contestation et la rébellion. Alors, pour cette semaine, je vous exhorte à réfléchir sur le texte qu'on vient de faire. Vous pouvez tricher puis lire Romains 13 et 14, au complet, y réfléchir. Mais posez-vous la question, est-ce que je suis en contestation avec l'autorité que Dieu a mise sur ma vie? Ça s'adresse à tout le monde. Puis il ne faut pas penser qu'il y a des petites subtilités qui ne tombent pas sous le règne de l'autorité de Dieu. OK? Tout tombe sous son règne, sous son autorité. Alors, y a-t-il des endroits, contestation, ça ne veut pas dire que j'argumente, là, mais je ferme ma tête. Hein? Est-ce que ça arrive? Posez-vous la question. Et est-ce que j'intercède pour ceux qui sont à ma charge? Fait que là, c'est les parents. C'est ceux qui sont ont des responsabilités différentes. Est-ce que j'intercède pour ceux qui sont à ma charge? Bon. Bonne méditation. Que Dieu vous bénisse.